voici Monsieur Guillaume Ruiz. Bravo. Ça va les amigos? Oui, un gros stress ce week-end. Quoi? Je me suis dit, imagine, on est genre lundi 11h30 et Nagui, tout d'un coup, de nulle part, il me donne la parole, tu vois, à moi, sur France Inter. Imagine, genre, qu'est-ce que je fais, tu vois. Mais, je me suis dit, ça peut arriver, tu vois, on le connaît, Nagui, il fait 10-12 minutes d'interview, après il s'essouffle, hein, clairement, il a court d'idées, quoi. Nagui, s'il force, ça peut partir en Samuel, honnêtement, vous êtes plutôt au plat ou à bulle, vraiment. Ramzy, vous trouvez que c'est bien, maintenant on peut payer ça en contact? C'est vraiment le genre de question qu'il peut poser. Dans ces cas-là, je sais que Nagui contre les humoristes pour occuper l'antenne, tu vois. Et en général, je fais avec, je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai 3 minutes devant moi, je vais parler de Mons Gag. Ben, voilà, Mons Gag, après toutes ces années, c'est un peu comme un membre de votre famille, les gars. Franchement, Daniel, il demande souvent de ses nouvelles. Tu vois, il a toujours un petit quelque chose pour son anniversaire ou sa Pâques. Une petite attention, tu vois, une carte de vœux, un étui, tu vois, vraiment, ça le touche. Il dit, elle est si gentille, Tata Leïla, pourquoi on la voit pas plus souvent? C'est vrai, il me dit souvent ça. Sauf que là, Mons Gag, ce week-end, il lui rien arrivé de amusant. Vraiment, il a eu full problème administratif. Il est passé chez Darty vite fait pour une plaque de cuisson. Ben, on va pas vous embêter avec ça à la radio quand même. Donc, je vais parler d'autre chose. Je vais parler de Lionel Messi. Il cherchait un truc pour s'installer dans la région. Vous avez vu, il y avait un article dans la presse belge qui était titré « L'Argentin aurait craqué sur un château à 48 millions d'euros ». J'étais là « Allez !» Franchement, il a craqué sur un château à 48 millions. Comment tu fais pour pas craquer sur un château à 48 millions, tu vois? Comment tu fais pour arriver dans un château à 48 millions et te faire « Ouais, mais c'est pas non plus, tu vois, un château avec beaucoup de vis-à-vis, tu vois ?» Enfin, oui, enfin, un îlot central, ok, mais bon, est-ce que c'est si pratique? Tu vois, forcément, tu craques. 48 millions, tu vois, si t'es devant un studio mansardé, 22 mètres carrés, au 9e étage, sans ascenseur, avec ton chiotte qui a 80 cm de ta tête d'oreiller, là, il y a moins que tu craques pas, quoi. Clairement, tu vois. Il y a moins que tu dises, ouais, pour 1800 euros, tu vois, je vais laisser une place à mon abribus, tu vois, clairement. Il y a du passage, mais la RATP, ça décore avec goût, quoi. C'est vrai, 48 millions. Il y avait écrit, le palais remplirait les critères recherchés par la famille Messi. Sans blague. 30 pièces, 2000 mètres carrés, des logements pour une piscine intérieure, un cinéma. J'étais sérieux, c'est que ça leurs critères. Franchement, honnêtement, c'est pas si extravagant. Une piscine intérieure, un cinéma. Moi, si j'avais un budget de 48 millions, tu sais comment j'aurais tellement plus de critères que ça. L'agent immobilier, je le rendrais ma boule. Je dirais, tu sais quoi, dans le jardin, je veux qu'il y ait une tanière avec un ours. Vraiment, je veux qu'il ait des rudiments d'informatique, cet ours. Je veux que tous les soirs, il me fasse un Moscow Mule. Tu sais quoi, s'il a pas. Hey, cet ours, s'il a pas un prénom composé qui termine par Francis, c'est même pas la peine, je fais une offre au prix. Vraiment, tu sais quoi, c'est fou quand même, cette disproportion entre un humain comme Messi qui a le droit d'habiter dans un château à 48 millions et quelqu'un comme Morgane Cadignan, tu vois, qui a vaguement un clic-clac. C'est vrai, et j'adore ton clic-clac, j'ai dormi plein de fois dessus et tout. J'en parlais avec mon ostéopathe, il me disait, bah, ça nous fait du boulot, tu vois, clairement. Je trouve que c'est mieux de dormir sur son clic-clac que sur une pierre tombale ou un feu rouge, tu vois clairement. Mais le luxe, c'est inévitable. Technologiquement, le luxe, c'est vraiment le sommet de ce que Sapiens, s'il est capable de faire en termes de bien, on se met bien. C'est le sommet, c'est vrai. Prends une toilette japonaise. En vrai, on n'est pas obligé d'avoir un petit jet, tu vois, qui te nettoie le huc. On n'est pas obligé. Pendant de longues années, Sapiens, il a fait ça. Nos ancêtres, ils se torchaient avec du Molten Air ou juste une feuille de cerisier, comme Nicolas Hulot, tu vois. Et ça allait très bien. Mais ce petit jet d'eau, franchement, ça fait la diff, tu vois, c'est le petit plus. Tiens, il y a le côté frais. C'est vrai, ben, l'humain, il le fait parce qu'il est capable de le faire. Ça vaut pour la bombe atomique comme pour la toilette japonaise. Et ben, c'était pas dans les critères de Messi, d'ailleurs. Mais j'imagine que dans ces critères, à minima, il y a une chasse d'eau. Tu vois, avec un bouton pressoir à portée de main. Toi, ce serait con d'avoir un cinéma chez toi et quand tu vas y aller, je te dois remplir des seaux. Je trouve une chasse d'eau, c'est la base, tu vois. Et le luxe, ça existera toujours. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une tournante chez les humains pour en profiter. Tu vois, Messi, j'adore Messi. Techniquement, bon, il est limité, tu vois, mais il a une grosse volonté. Le mec, il te fait des courses défensives. Tu dis, mais est-ce que ce serait pas le nouveau Gattuso? Mais je veux dire, mais c'est bien qu'il puisse vivre dans un château à 48 millions d'euros. Mais je veux dire, après 15 jours, viens, il échange avec Morgane, tu vois, qui aurait le droit d'en profiter aussi, tu vois. Tu as 30 pièces, frère, si je peux pas dormir. Autre chose que sur ton clic-clac. Allez, bonne émission, les amis. Merci, yes. Guillaume.